Bonjour. Voilà, Carcoculte. Aujourd'hui, je vois que je regarde que tout soit préparé. Oui. Une petite heure ensemble aujourd'hui pour Carcoculte. Donc merci d'être avec nous, auditeurs de Pinode, en DAB+, à Paris, à Mulhouse, sur le web et la terre comme au ciel. Aujourd'hui, c'est presque religieusement qu'on va découvrir... J'ai envie de dire redécouvrir, mais c'est plutôt découvrir un disque qui est resté alors une espèce de gemme oubliée pendant des années. Une forme de petite pierre philosophale extrêmement poétique de la drone musique, le tout made Italy, avec un disque paru en 1979. L'album s'appelle Motore e Mobile et c'est signé Giusto Pio. Donc, c'est Moteurs Immobiles de Giusto Pio. J'ai envie de commencer par la fin pour situer ce personnage, non pas dans l'apothéose. Alors, le pire, c'est que c'est le premier album qu'il publie, c'est celui que vous allez écouter là. D'ailleurs, c'est miraculeux. C'est un disque assez court. Pour ça, on prend seulement une heure aujourd'hui. C'est un disque qui se composait de 2 fois 16 minutes. Quoi. Il fait à peine plus de 30 minutes. Et vous allez voir, on regrette intensément qu'il ne soit pas plus long, parce que forcément, le genre de musique qui se construit ici, hein, on va être entièrement ou quasiment entièrement dans le drone, c'est des choses qui prennent de la valeur dans le temps, dans le développement, dans une architecture plus ou moins complexe. Cependant, on est en Italie. Et tout compositeur va, bon an, mal an, toujours flirter un petit peu avec la variété. Le petit peu peut des fois devenir énorme. Donc avant de découvrir ce fameux disque de 1979, je vous propose de découvrir Giusto Pio au travers de ce qu'il a probablement fait le plus connaître dans toute l'Italie et même de par le monde. Nous étions juste 5 ans après le disque que nous allons écouter. 5 ans après, en 1984, où Giusto Pio, associé à un autre compositeur important dans sa démarche, je l'évoquerai tout à l'heure, Franco Battiato et la chanteuse Alice, vont signer un tube de l'Eurovision. Et ça donne ça. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me. Le refrain arrive, attention. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosè. Je vous demande pardon, mais Papagaï aimera. Nous sommes donc clairement en Italie, nous sommes à l'Eurovision, pour l'Eurovision. Alors ils ont cartonné avec ça, ils n'ont pas gagné, mais ils ont cartonné avec ça. Donc je répète que c'est l'association de Giusto Pio, l'artiste qu'on va découvrir aujourd'hui, violoniste et compositeur hein, sur cette affaire-là. Franco Battiato, il chante sur ce tube-là, mais c'est quelqu'un de plus important dans la musique italienne, on va dire minimaliste, mais là encore, il faudra mettre un petit peu de guillemets sur les mots. Et puis à Lice. Donc ils sont cinquièmes à l'Eurovision, qui se passe en Suède à ce moment-là. Il y a le carton plein en Italie, évidemment, mais aussi certains succès en Suède, justement, là où l'Eurovision s'était déroulée, et puis dans le reste des pays scandinaves. Par bonheur, ou par malheur, hein, c'est selon où vous situez, ce morceau nous avait échappé à nous, Français, en 1984. Par malheur aussi, l'intégrale de la production de Franco Battiato ou alors de Giusto Pio, qu'on découvre aujourd'hui, nous avait totalement échappé aujourd'hui. Alors, pardon pour cette fausse ouverture, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et surtout, du coup, nous remettons-nous juste 5 ans en avant avec un disque absolument... incroyable. Et finalement, clairement découvert à la mort de Giusto Pio. C'est quelqu'un qui est mort en 2017. Il est né en 1926. C'est quelqu'un qui a eu une carrière de musicien classique important. Il est premier violon dans l'orchestre de la RAI à Milan. Et justement, il va être embauché par un... Il va avoir comme élève Franco Battiato, qui va être le producteur du disque qu'on va entendre. Alors ce disque, qu'est-ce qu'il en est ? Je vous ai déjà annoncé la couleur, qu'on serait dans une drone musique. Et croyez-moi qu'en 1979, la drone musique, d'abord, elle ne porte pas ce nom-là. On n'est pas du tout dans une esthétique comme finalement la drone musique a pu le devenir. Et il faut surtout voir que la drone musique n'est pas éditée. Même Eliane Radig, qui est déjà en construction d'une œuvre colossale, n'a pas édité un seul album. En 1979, Eliane Radig, elle a un disque à son actif, qui est en fait ce tirage extrêmement limité qu'elle avait fait pour une exposition à la galerie Donghi autour des nouveaux réalistes, et puis mettant notamment en avant son ancien mari, Armand. Et à cette occasion, elle avait fait un tirage extrêmement limité et un très beau disque qui s'appelle Vice Versa. Et elle en a vendu un seul disque. La carrière d'Hélène Radig jusqu'en 1983, date à laquelle elle sera signée sur le label de Phil Niblock, avait vendu uniquement un disque. Et le reste, elle avait donné à des amis. Donc, croyez-moi, comme 1979, il n'y a pas beaucoup plus de visibilité que ça sur la drone musique. Elle a été promue, évidemment, par la Montejung. Et ses traces sont celles soit de la Montejung, soit de son entourage, finalement, direct, qui vont plus ou moins essaimer, et notamment contaminer d'autres musiques. Alors, on sait très bien que le Velvet Underground, lui, a été campé fondamentalement par de la drone musique. Et puis, ce n'est pas par hasard que, d'ailleurs, le Velvet Underground soit fondé par deux musiciens de la Montejung, hein, enfin, co-fondé, en tout cas, August MacLise et puis John Cale, évidemment. Puis le truc va un petit peu migrer en Europe. Il va y avoir une contamination évidente aussi dans le krautrock, hein, et certaines formes de rock progressif dans les années 70, donc en Allemagne, et là probablement plus qu'ailleurs. Giusto Pio et Franco Battiato, je ne peux pas m'empêcher de les associer, sont très au courant de ça, mine de rien. L'un a travaillé son Stockhausen sur le bout des doigts, quitte à le mélanger avec de la variété. Mais c'est d'une certaine manière ce qui s'est passé avec le krautrock aussi, hein, même si là, on n'était pas dans les démarches de la variété. Et puis, Giusto Pio, lui, va développer des compositions plutôt adaptées au théâtre, à la chorégraphie, mais jamais sans... cette sublime poésie, cette quasi-innocence minimaliste du disque qu'on va découvrir là. Alors j'y viens. Il y a déjà une humilité dans ce disque qui est totalement renversante. Et c'est pas toujours le cas de la drone musique. Il y a quelque chose d'un peu massif comme ça, quelque chose d'un peu volontaire. Chez Montejung, c'est spécialement le cas. Des choses qui s'écoutent fortes. Alors que si, non, il y a quelque chose qui comme ça, qui est très doux, qui est de l'ordre de la mélopée. Le violoniste Giusto Pio, comme je le dis, mais plutôt en retrait, vous allez l'entendre, mais assez peu et jamais dans une démarche un peu démonstrative. Autour de lui, deux orgues électriques, ce qui est déjà un petit peu impressionnant. Et puis, alors, qu'est-ce que j'oublie comme instrument que je peux dire ? Parce que je dois en oublier un. Celui-là est extrêmement important. C'est une voix. Et cette voix, elle est. C'est un bourdonnement. Alors, un bourdon, un drone au vrai sens du bourdonnement du terme, quoi, si vous voulez. Et ce disque a la chance, mais peut-être la malchance, de paraître sur un label extrêmement intéressant, dont les parutions ont toujours été assez rares, mais qui ont été recherchées de tout temps, hein, si vous voulez, c'est Crumps Records. Crumbs Records, c'est un de ces labels italiens, et à l'époque le principal, qui va aller récupérer des œuvres des compositeurs américains expérimentaux, John Cage en tête, hein, David Tudor aussi, mais aussi Alvin Lucier et Robert Ashla, qui vont laisser des œuvres extrêmement fortes là-bas. Puis des œuvres exclusives, ce n'est pas des œuvres de sous-main, par exemple, qui vont être récupérées. Et dans le même temps, Crumbs Records va évidemment être un peu une tête chercheuse d'une avant-garde locale, italienne, qui est consacrée à ce moment-là. Un exemple qui me vient en tête, c'est le Gruppo di Improvisazione Nuova, qui était en fait un combo dans lequel s'exerçait Ennio Morricone. Voilà. Et Ennio Morricone, quand il œuvrait pas pour les bandes originales de films qu'on connaît, voire celles qu'on ne connaît pas, parce qu'il en a fait des centaines, avait aussi une démarche franchement expérimentale, avant-garde, autant dire de musique contemporaine. Bon, démarche qui d'ailleurs, je veux dire, fait foi en Italie. Hein. Les Italiens, ils ont eu Luigi Nono, ils ont eu Giacinto Celsi, Chelsea d'ailleurs, si je dois bien le prononcer, on excusera par un moment mon italien chevrotant, laisse des marques. Et justement, Chelsea, il est à mon avis en droite inspiration de ce que va faire Giusto Pillo avec son Motore Immobile. Alors, inspiration droite et en même temps un petit peu décalée. C'est-à-dire que cette notion de son complètement tenu, hein, je rappelle qu'à l'époque, voilà, on ne parle pas spécialement de drone, va plutôt être la volonté d'une expression extrêmement légère. Donc, je rappelle, hein, deux pianos électriques, un piano, voilà, un violon, c'est celui de Giusto Pillo, et cette voix qui pose comme ça constamment ce murmure plus ou moins continu. Et ça va être au service de deux compositions, deux seulement. Alors la composition éponyme qui donne son titre à l'album, Motore Immobile, et une autre composition, peut-être encore plus dépouillée, mais néanmoins elle a un petit tenant mélodique, celle-ci, Ananta, qui est donc la face B, où vont se côtoyer uniquement un orgue et un piano. Voilà. Je vous propose de découvrir de facto cette œuvre rare qui, bon, c'est pas tout à fait un hasard, mais c'est toujours amusant de savoir qu'elle est devenue culte, elle est passée d'inconnu à cultissime au moment de la mort de son auteur. Et là, la cote du disque a flambé, elle a été multipliée par 10 ou par 20 en l'espace d'un deuil. Quoi. Aujourd'hui encore, vous la trouvez plutôt autour de 450 balles à 600 balles sur Discogs. Quoi. Voilà qui en donne un petit peu, un peu l'échantillon de cette notoriété post-mortem qu'aura le disque. Alors pour autant, le truc n'était pas invisible. C'est déjà repéré. Quand même avant, mais je reviendrai juste après, finalement, cette écoute, sur le contexte qui a vu un peu naître ça. Parce que paradoxalement, une œuvre tout aussi majeure et étonnante et singulière qu'elle soit, elle ne vient pas de rien. Et finalement, ce qu'on a défini comme un ovni, elle l'est pas complètement. Et on verra un petit peu comment Giusto Pillo s'est posé là-dedans. Alors certes, peut-être un peu par hasard, parce que finalement, il n'avait pas trop la culture du truc. C'était un prof de violon. Enfin, et puis un premier prix de violon aussi. Et comment il a pu embrasser comme ça quelque chose qui flirte totalement avec l'avant-garde, avec l'électronique, et puis surtout concilier comme ça un chaud-froid avec ce partenaire qui est ici producteur, c'est-à-dire Franco Battiato. Franco Battiato, les Italiens n'hésitaient pas à le nommer, à dire que c'était leur Brian Eno à eux, si vous voulez. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas fausse. Alors justement, on découvrira ça un tout petit peu plus en détail après, mais pour l'instant, je vous laisse avec ces 31 minutes de recueillement absolu. Motore Immobile. Oui, ça peut s'écouter dans une espèce de stase extrême. Et croyez-moi, c'est extrêmement puissant et extrêmement fragile à la fois. Bonne écoute donc de ces moteurs immobiles sur Cargo Cult. Thank you.

la stase parfaite. Le très bien nommé Motore Immobile 1979, donc par Giusto Pio. Tout est beau dans ce disque, c'est d'une grâce inouïe. Même la pochette est superbe. J'ai oublié de la commenter parce que c'est toujours fascinant de découvrir un disque, évidemment, d'abord par sa pochette, le contenant avant le contenu. Et là, c'est une superbe croix noire et rouge sur un carré blanc cassé. On est un petit peu dans l'esprit Malevitch, hein, constructivisme russe. Mais alors, évidemment, la portée de cette croix donne quelque chose de... Quand bien même elle est totalement équilatérale, elle donne quand même une espèce d'aura mystique à l'ensemble qui, à mon avis, est sous-jacente, hein, à l'œuvre de Giusto Pio. Voilà, on est en Italie, on y est bel et bien, quoi. Disque entièrement OVNI, évidemment, en 1979. Et on a bien entendu la singularité de cette drôle de musique qui finalement, est à nul autre pareil. Hein. En même temps, cette singularité, elle n'est pas non plus totalement... elle n'est pas strictement isolée du reste. Et il y a eu un miracle italien, qu'on a d'ailleurs à peine vu à l'époque. Hein. Puisque Giusto Pio est clairement en résonance avec... d'autres compositeurs qui sont de l'entourage même de Battiato, Roberto Battiato, donc qui signait ce tube infâme, superbe de l'Eurovision 1984. Mais avant ça, donc Battiato, ce Brian Eno italien, comme il s'est dit un peu après, mais enfin on peut mettre pas mal de guillemets à l'expression, produit ou coach des disques très intéressants et qu'on va finalement après post-nommer le minimalisme italien. Mais bon, à l'époque, ça ne se nommait pas, et pas comme ça. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, les œuvres intéressantes vont être faites sur trois courtes années, entre 1977 et 1979. Le Giusto Pio, qui reste à mon avis vraiment la pierre angulaire du truc, la plus belle étrangeté de ce mouvement, alors appelons-le comme ça maintenant, date de 1979. Mais un petit peu avant lui, il y a le très beau... Antico Adagio, qui à mon avis donne un peu le pas au reste, qui paraît en 1978, et c'est signé Lino Capravaccina. Un de mes favoris, j'y reviendrai peut-être, on aura le temps. Luciano Cilio avec un disque assez incroyable en fait, Dialoghi del Presente, le dialogue du présent. Et puis un binôme un peu plus tirant vers le New Age, un Roberto Cacciapaglia, associé aussi avec d'autres musiciens, je pense à Francesco Messina, qui vont là aussi faire des disques chez Crumps. Donc je reviens sur ce label qui est un petit peu important parce qu'il a à la fois une tête de pont en Europe de l'avant-garde et de la musique expérimentale américaine. Alvin Lucier, Robert Ashley et d'autres, mais va aussi un peu des nichés in situ, des compositeurs intéressants qui sont un petit peu baignés de ça. Il y a une très grande force chez ces compositeurs italiens, quand bien même ils sont restés inconnus, sauf pour les stricts initiés, c'est que finalement ils n'ont pas peur de faire feu de tout bois. La France était probablement trop enserrée dans des dogmes à ce moment-là. Alors, les dogmes de la contemporaine en France font plutôt fi du minimalisme. Hélas, dans les années 70, les choses ont changé un peu après, mais à cette époque-là, on est boulésien ou on est mort, hein, dans la contemporaine. Chez les Italiens, ma foi, faire une musique qui soit une musique dite ou pas dite contemporaine, qu'elle touche un petit peu New Age, qu'elle touche éventuellement au folk, ça va être complètement le cas de Luciano Cilio, ou finalement avec une forme de progressive musique, quitte à d'ailleurs à embrasser, c'est ce que va faire d'ailleurs extrêmement bien Battiato par la suite, la synthwave, une forme de pop dansante à base de synthé, autant dire une forme de proto-italo-disco, hein, montons pas, Battiato va aller vers ça en fait. Et avec parfois beaucoup de ridicule, mais enfin sans complexe. Et ça, ma foi, c'est très très italien. Donc ça force forcément l'admiration. Vous auriez tout à fait intérêt à aller jeter un œil. J'ai beaucoup appris sur ce blog. T'es un chroniqueur, mais aussi quelqu'un qui signe des notes de pochette, s'appelle Bradford Bailey, qui a sur son blog de fait une espèce de saga du minimalisme italien, enfin, comme on a pu l'appeler bien plus tard, finalement. Voilà. The Obscure Brilliance of Italian Minimalism in 9 Albums. Alors, il en compte 9, et alors, moi, avec encore plus d'intransigeance que lui, j'en garde 4 finalement. Et justement, 4, on va même dire 5, et qui sont concentrés sur les années 77 à 1979. Mais alors, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil à ça, et plus qu'un coup d'œil, une oreille. Bon, à l'évidence, effectivement, Giusto Pio ressort totalement en haut du panier de ça, parce qu'il y a quelque chose, il y a une grâce totalement inouïe qui tombe de là. Mais cette grâce-là, on la trouve chez un autre compositeur, alors que l'histoire n'a même pas du tout retenu. Et c'est avec lui que j'ai envie qu'on s'échappe un petit peu. Vous allez voir, c'est très étonnant. Notamment, on aura le temps d'écouter par exemple deux pièces, une très très très très courte, mais qui est étrangement en correspondance avec le Fouralina de Arvo Pärt. Et son Spiegel, c'est des... Alors Arvo Pärt... Forcément, c'est le compositeur de musique, c'est le compositeur vivant le plus joué au monde. Et si vous googlez Fouralina et que vous cherchez une copie YouTube, il y a 3 millions de vues, quoi. Là, ce que je vais vous faire écouter, c'est 300. Hein, c'est pas... Donc, on passe de 3 millions à 300. Et il y a une ressemblance. Il y a une retenue qui est similaire. Et il y a, chez l'un comme chez l'autre, cette forme de minimalisme chrétien. Je n'ai pas peur du mot. Un minimalisme chrétien qui va animer une très très très lente progression, tout en tonalité, mais avec en plus cette audace chez Cilio de finalement parfois la twister, la tonalité. Et introduire comme ça des dissonances folk, des accords particuliers, effectivement. Mais là encore sans heure. C'est un disque qui, lui, a été signé en 1977. Luciano Cilio se suicide en 1983. Donc, il n'est plus du tout... bien sûr, il est redécouvert bien après. Et voilà, il y a... On boucle un petit peu la boucle avec ce Giusto Pio, avec cette petite tangente comme ça par aussi un compositeur extrêmement intéressant. Il était redécouvert lui aussi, évidemment. Enfin, il a tout pour devenir culte. Il signe une œuvre magique, il se suicide 4 ans après. Et l'autre, il signe une œuvre magique et il fait l'Eurovision avec ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous étiez obligé de finir dans Cargo Cult. Voilà. Bah justement, Cargo Cult s'achève. Je vous laisse avec ces deux pièces. L'une sera écourtée de Cilio. Je vous retrouverai la semaine prochaine, là, un petit peu plus longuement. Il est probable que là, on mette les deux pieds dans la danse. Il est temps de contraster un petit peu ce programme, comme on aime le faire. Restez à l'écoute de Pinode, rechanceux Pinodeur que vous êtes, sur la terre comme au ciel, sur les ondes comme sur le web. Vous retrouverez Sarah Washington et Knut Offerman pour la suite de leur Capital Gains, juste après, de 12h à 13h. À la semaine prochaine. Et Cargo Cult s'évade avec ce compositeur napolitain hors pair, disparu en 1983, Luciano Cilio.